Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 28 mars 2017. Voici tout de suite les grands titres de cette édition. Pénurie d'essence dans la ville de Bujumbura. De longues files d'attente s'observent devant les stations-service. Notre reporter a fait un constat. C'est un reportage que vous suivrez. Et à Lumongue, plus de la moitié des bateaux de pêche restent accostés sur différentes plages par manque de carburant. Nous appellerons notre correspondant là-bas. Et les présumés auteurs de la tentative d'assassinat du chef de force de défense nationale, le lieutenant-général Primeni Ongabo, écope de peine allant de l'emprisonnement de 10 ans à la perpétuité. Le tribunal de grande instance en commune Moura de la mairie de Bujumbura a rendu cette sentence ce mardi. Et l'assistant du ministre de l'Intérieur nie toute arrestation des sympathisants d'Agathon Rwasa, expliquant que partout dans le pays, des malfaiteurs sont arrêtés. Terence Naïra a renchéri en disant que c'est une stratégie politique de solidaire politique que de déclarer que ce sont les siens qui sont malmenés. Vous l'entendrez dans ce journal. Et comme promis la semaine dernière, nous revenons dans la chronique santé sur l'accident vasculaire cérébral, surtout sur ses principales complications, à savoir la paralysie et la mort. Et en actualité sous région, l'Église catholique en République démocratique du Congo a annoncé mettre fin à ses bons offices pour aider à sortir de la crise politique. Elle a constaté le blocage dans les pourparlers entre pouvoir et opposition et dénonce la mauvaise foi des uns et des autres. Ce journal est mis en onde par Albert Ndouayo. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le développement de ces titres, le tribunal de grande instance en commune Moura de la mairie de Bujumbura a prononcé les peines contre les présumés auteurs de la tentative d'assassinat du chef des forces de défense nationale, le lieutenant-général Primeni Ongabo. Les faits remontent à 2015 et certains d'entre eux ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité et d'autres à 10 ans de servitude pénale. Aubin Nyonguru a été là pour nous, il nous donne le compte-rendu d'audience. Trois des cinq présumés coupables de la tentative d'assassinat du lieutenant général Primeni Ongabo ont écopé d'une peine de servitude pénale à perpétuité prononcée ce mardi par le tribunal de grande instance en commune Moura. Il s'agit de Nzoyihera Jean-Marie Vianney, Munzimana Elvis et Tomboli Pascal. Les délits à leur charge sont le crime contre l'humanité, la détention illégale d'armes à feu, ainsi que la tentative de renverser les institutions. Namahungiro Pancras et Nizigimana Leonard, deux autres présumés auteurs, vont purger une peine de 10 ans de servitude pénale. Ceux-ci ont été condamnés pour avoir fourni de l'aide aux trois premiers en leur offrant un endroit où ils ont tenu une réunion et en leur donnant un logement. Primeni Ongabo, le chef des forces de défense nationale, a été la cible d'une attaque sur la route Lumongue en commune urbaine de Moura en date du 11 septembre 2015. Merci Aubin Nyonguru. Et le directeur général de la police et de la protection civile tranquillise les victimes de pluies torrentielles qui hésitent à retourner chez eux car selon lui, plusieurs institutions et leurs partenaires sont à pied d'œuvre pour résoudre leurs problèmes. Le commissaire de police Antoine Nemako demande surtout à cette population abritée dans les locaux de l'école fondamentale de Wouterere d'éviter un bras de fer avec l'administration et surtout de lui faciliter la tâche. Et à propos des cours d'eau provenant des montagnes surplombant la ville de Bujumbura qui risquent de provoquer encore plus de dégâts, Antoine Nemako fait savoir que des projets à ce sujet sont en cours. Suivez le commissaire de police Antoine Nemako, il y répond aux questions de Pascal Nyoyangonze. Je ne dirais pas que cette population est chassée de cette école. Elle est orientée par l'administration. Il ne faut pas qu'il y ait un bras de fer entre l'administration et la population. L'autorité au plus haut sommet, son excellence le premier vice-président de la République, a instruit à ce que cette population qui est victime de ces inondations et de ces deux maisons soit assistée près des parcelles où ils étaient. Donc les premières assistances ont été données en vivres, les tentes ont été distribuées et on demande à ce que cette population soit assistée près où ils étaient. Donc ils doivent quitter l'école fondamentale de Kouboumé pour éviter les éventuelles épidémies. Donc il n'y a pas d'assainissement nécessaire pour une si grande population. Certains d'entre eux disent qu'ils sont des locataires et que leurs bailleurs leur ont refusé l'installation des tentes dans leur parcelle. Comment comptez-vous résoudre ce problème? Effectivement, ce problème a été posé. Donc plusieurs maisons qui ont été détruites et

Burundi, on peut croire que le Burundi sera appuyé. Mais le Burundi est encore appuyé. Je voudrais tordre le cou à ce canard que la coopération était totalement arrêtée. Ce n'est pas correct. Par exemple, même et malgré l'article 96 de l'accord de Cotonou que nous avons dû mettre en œuvre, pas par plaisir, mais parce que c'était, nous avons considéré au niveau européen que c'était une nécessité, dans le cadre du dialogue entre le Burundi et les institutions européennes et les États membres. Donc 80% de la coopération est encore en cours, donc pour des programmes qui bénéficient directement à la population. Maintenant, comme je le disais, nous n'avons pas d'autre volonté que de reprendre la coopération pleine et entière, mais cela se fait petit à petit, au fur et à mesure où les conditions sont remplies. C'était l'ambassadeur de Belgique au Burundi, Bernard Quintan. Vous saurez que la délégation belge était dirigée par l'envoyé spécial de la Belgique dans la région des pays des Grands Lacs. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains représentants des étudiants de l'Université du Burundi ont été convoqués de se présenter au service chargé de la sécurité à partir de ce mardi. Le motif de cette interpellation est d'identifier les signataires de la récente correspondance adressée au président de la République demandant la révision du décret en rapport avec la gestion des bourses d'études et de stages. Le directeur de la régie des œuvres universitaires affirme que la liste des signataires contient des irrégularités. Il précise néanmoins qu'il n'y aura pas de sanctions à ce sujet. Alain Désiré, OKNET. Après la récente correspondance du 24 mars cette année au président de la République, par laquelle près de 170 représentants soulevaient les doléances des étudiants de l'Université du Burundi qui demandent la révision du nouveau décret instituant la pré-bourse, les signataires de la correspondance sont interpellés à se présenter depuis ce mardi au service chargé de la sécurité à cette institution. Le directeur de la régie des œuvres universitaires tranquillise que l'interpellation n'a d'autre objet que de vérifier les irrégularités constatées sur la liste des signataires. Nous voulons en fait identifier les signataires. Nous avons trouvé des inquiétudes. Vous trouvez par exemple quelqu'un qui a signé PO. Si on veut signer PO, on doit présenter au moins la classe, le délégué qu'on représente. Dira-t-il même dans des noms, quelqu'un qui a commencé à écrire son nom, il a raté. Il y a d'autres qui ont signé, qui n'ont pas mis les classes et même les facultés qu'ils représentent. Du moment que ces étudiants prévoient d'arrêter les activités le 5 avril, si leurs doléances ne sont pas entendues ou les étudiants s'inquiètent si le nouveau décret ne constituerait un frein aux enfants de petits citoyens, Anatole Nzinahola tranquillise que les instances habilitées continuent de suivre cette question. Et ce n'est pas pour les intimider. Et nous voulons bannir cette habitude de tricher. Et il y a ceux qui sont chargés d'éclairer ces éclaircissements qu'ils demandent, ils auront ça. Si vous lisez vous-même le décret, vous voyez que les quelques éclaircissements peuvent être obtenus tranquillement, sans préavis de grève. Ces représentants signataires sont interpellés tour à tour. Ceux du campus Kiriri sont mardi, ceux de l'IPEA mercredi, jeudi sera le tour du campus Mutanga et enfin ceux du campus Kamenge sont vendredi. Merci Alain Désiré. Le secteur minier au Burundi contribue à moins de 1% du produit intérieur brut et ne dépasse pas 10% des recettes d'exportation. Le président de l'organisation PARSEM, qui appelle les Burundis à changer de mentalité, explique qu'il n'y a pas de cohésion au niveau de la régulation de ce secteur, un secteur miné de corruption, ajoute-t-il. Le retard de l'adhésion du Burundi à l'initiative de transparence minière, ITE, dénote une gestion opaque. Suivez Faustin Ndikumana. Le sol burundais regorge beaucoup de ressources minières. Il est évident, il y a les minéraux 3T, il y a l'or, il y a le nickel, avec des réserves importantes. Notamment, on parle que le Burundi regorge 6% des réserves du nickel au niveau mondial. Mais malheureusement, le constat est que ce secteur contribue à une minorité, une infimité à la production intérieure brute. Imaginez-vous, le secteur minier ne dépasse pas 1% du PIB au Burundi, ne dépasse pas 10% des recettes d'exportation, 0,00% des recettes budgétaires. Pourquoi? Parce que le secteur minier, pour qu'il aboutisse à des résultats concrets, il faut avoir assaini au niveau de la gestion des affaires publiques, il faut avoir assaini les questions liées à la corruption. Parce qu'un pays corrompu ne peut jamais gérer le secteur minier afin que celui-ci puisse contribuer au développement national. Maintenant, il apparaît qu'il n'y a pas de cohésion au niveau de la réglementation, au niveau de la régulation de son secteur. Chaque entité administrative veut gérer à sa guise parce qu'il y a des profits qu'on y tire. Des fois, on dit que le bien ne parvient même pas à maîtriser le nombre de gestionnaires de coopératives minières qui s'introduisent pour exploiter, même artisanalement, certaines pierres précieuses, comme l'or ou autre. Il y a un problème d'adhésion à l'initiative de transparence des industries extractives. Cela montre que ce retard montre la réticence des autorités à développer de la transparence dans son secteur. Parce que même aujourd'hui, outre cette exploitation artisanale, même le canton octroie les marchés au niveau de l'exploitation, au niveau des permis d'exploitation, ça se fait dans l'opacité. Et même les gens avoisinant les régions d'exploitation minière ne sont pas informés. C'est géré dans l'opacité. On dirait qu'il y a un groupe d'hommes qui sait quoi ils tirent, qui essaie d'en faire un apanage pour eux. Pour Faustin Dikoumana, la part de l'exploitation minière au Burundi devrait se ressortir dans le budget général de l'État. Suivez-les encore. La première phase de transparence, c'est d'abord de montrer 2017. La part de l'exploitation minière au niveau des recettes fiscales, c'est autant. Au niveau des rentrées en devises, c'est autant. Et aussi la BRB est impliquée. La BRB devrait impliquer pour voir la traçabilité d'exploitation. Parce que l'exportation, que ce soit au niveau des comptoirs, il faut avoir un IF, une déclaration d'exportation, la rentrée de devises à la banque centrale, tout cela devrait avoir une traçabilité. Pour avoir une logique entre le montant exporté, les recettes fiscales obtenues, les rentrées en devises obtenues à la banque centrale, et cela avec une cohésion de toutes les institutions, notamment le ministère de l'énergie et mines qui régule, il y a l'OBR, il y a la banque centrale, il y a les services douaniers, il y a tous les partenaires, la société civile et autres qui doivent participer pour le renforcement de cette transparence. Faustin Dikoumana, président de l'organisation Parsem, ses propos ont été recueillis par Mireille Kanyang. Et la commission Vérité et Réconciliation annonce le futur recrutement de deux agents de déposition par colline. Mais il est difficile de trouver deux individus d'ethnie différente, tels que recommandé alors qu'on a des collines monoethniques. Le secrétaire de cette commission a déclaré à Muyinga que dans de pareils cas, l'essentiel reste que le choix soit fait en toute transparence. Les précisions de notre correspondant Dieudonné Zeyman. Être intègre, ne pas faire partie des instances dirigeantes dans un parti politique, avoir fait des études de liste en 10e année, quel est l'essentiel des conditions à remplir pour le futur agent de déposition sur les collines pour le compte de la commission Vérité et Réconciliation CVR. Devant des responsables administratifs et leaders dans différents secteurs socio-professionnels de la ville de la province Muyinga lundi, Koti Denis Laguila, secrétaire de la CVR, présenter le pas déjà franchi par cette commission et les étapes à venir, notamment le recueil des dépositions des victimes ou encore des témoins des crises cycliques qui ont endeuillé le Burundi de 1970, année de l'indépendance, à 2008, année de signature de l'accord de cessez-le-feu entre un mouvement armé et le gouvernement tel que prescrit par l'accord d'Arusha. Pour faciliter la tâche à la population, des unités sont prévues par colline en Hutu et en Tutsi. Exigence difficile à respecter. C'est une colline de cette province serrée monoethnique. Pour la secrétaire de la CVM, si un tel cas se présente, l'essentiel est que le choix soit porté sur des personnes remplissant les conditions et que le processus de sélection soit transparent. Je donne un Zeymana de Muyinga pour la radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez dans le monde entier en actualité internationale. En Australie, l'arrivée du cyclone Debby a contraint à l'évacuation d'un peu plus de 5000 personnes. Il s'agit de la plus forte tempête depuis Yasi qui avait provoqué 1,4 milliard de dollars de dégâts en 2011. Et en Afrique du Sud, on parle du décès d'Ahmed Katrada, proche compagnon de lutte de Mandela. Et en République démocratique du Congo, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont mis fin à leurs bons offices dans la soirée de ce lundi, après avoir constaté l'impasse dans les négociations sur le partage du pouvoir. Didier Nyonzima. En République démocratique du Congo, c'est tard dans la soirée de ce lundi que l'Église catholique a annoncé mettre fin à ses bons offices pour aider à sortir de la crise politique, 3 mois après la signature d'un accord politique entre la majorité présidentielle et l'opposition. Selon la BBC sur son site web, l'Église catholique dénonce la mauvaise foi des uns et des autres. Monseigneur Marcel Outembi, président de la Conférence des évêques du Congo, a déclaré qu'au terme de ce deuxième round des négociations politiques directes, les résultats obtenus sont loin de satisfaire les attentes